Donc, les femmes dont je vais vous parler peuvent être analysées selon les études de la mobilité, Mobility Studies, proposées par Stephen Greenblatt. En relation à une culture coloniale remuante, culture d'ailleurs remuée à son tour par leurs écrits, ces femmes avaient leurs propres impulsions. Leur mobilité est d'abord de nature concrète et physique, puisqu'elles passaient leur temps à se déplacer d'un côté vers l'autre de l'Empire pour des missions variées. Mais il s'agit aussi d'une mobilité intellectuelle, culturelle et sociale. Elles reconnaissaient les liens entre les localités qu'elles analysaient et des politiques métropolitaines et internationales. Elles s'adaptaient aisément à ce que Stephen Greenblatt appelle la surprise du mouvement, car elles ne savaient jamais comment leur voyage se déroulerait, et elles se pliaient à la flexibilité offerte par les différents modes d'écriture, privés ou publics, agressifs ou diplomatiques, administratifs ou littéraires. Cette communication développera quelques principes élaborés par les études de la mobilité pour montrer les liens entre trois écrivaines et voyageuses. André Violis et Camille Drevet sur l'Indochine et Lucie Cousturier sur l'AOF. En partant de leur mouvement littéral, mais aussi littoral, nous arrivons aux zones de contact qu'elles établissaient de manière physique avec les hommes et femmes qu'elles rencontraient et de manière intellectuelle avec tout l'Empire par le biais de leurs publications. En deçà de cette mobilité, d'autres thèmes unissent ces écrivaines. Tout d'abord leur sexe, exemple d'une catégorie présumée fixe et qui pourtant n'avait rien de stagnant. Ensuite, leur confrontation avec un deuxième concept enraciné dans sa fixité présumée, la colonisation. Car les études de la mobilité n'explorent pas seulement des trajectoires matérielles, mais aussi les, et je cite en anglais cette fois-ci, moments in which cultural goods are transferred out of sight, concealed inside cunningly designed shells of the familiar, or disguised by subtle adjustments of color and form. Les sources au cœur de cette étude sont des écrits de nature différente, des rapports, de la littérature de voyage et des lettres, je mettrai ça entre guillemets, privées, envoyées à diverses administrations. Au départ, leurs rapports sur les colonies n'étaient pas destinés au public. Ça c'est en commun pour toutes ces femmes, c'était pas destiné au public au départ. C'est l'expérience même du voyage qui les décide à publier ces notes, d'abord à cause de ce qu'elles voyaient ou subissaient, et ensuite parce qu'à leur retour elles se sentaient frustrées par le manque de réaction du gouvernement français ou des gouvernements, puisque les gouvernements changeaient pendant toute cette période. Donc le manque de réaction du gouvernement français face à leurs commentaires. Camille Drevet commence le descriptif de son voyage en Indochine en 1928 en parlant du long trajet de Marseille à Saigon. Je cite « Deux femmes s'arrêtant chez les Annamites pour essayer d'avoir sur les graves questions coloniales quelques éclaircissements étaient des femmes suspectes. Elles n'étaient pas des colons, tout d'abord, et de plus, leur interprétation plutôt floue des normes sexuées et raciales dérangeait. Elles étaient perçues en même temps comme deux femmes voyageant seules et comme deux femmes blanches accompagnées, mais un accompagnement non traditionnel, puisqu'il s'agissait d'un homme non blanc, c'est-à-dire d'un Vietnamien. La mobilité d'André Violis, telle qu'elle l'a décrite dans SOS Indochine, provoquait, elle aussi, des remous. Un jour, elle voit, et je cite, « débarquer dans ma chambre un haut fonctionnaire de la sûreté. Vous sillonnez les routes avec des nationalistes anamites, c'est très imprudent. Vous auriez pu être enlevé, séquestré. » En opposant à ces trop libres déplacements la menace de la détention, de l'immobilité, ce fonctionnaire reprenait ainsi aussi plusieurs éléments de l'expérience de Drevet. Il insinuait d'une part que le genre renforçait les dangers de la solitude, surtout le danger de se retrouver seul dans une pièce avec un homme. D'autre part, et lui-même, évidemment, il est seul dans la pièce avec elle quand il lui parle, qu'il y a cet élément un peu comique dans son commentaire. D'autre part, que l'accompagnement par des hommes vietnamiens ne faisait en fin de compte que renforcer l'isolation de ces femmes par rapport aux autres Français. Une claustration néfaste, finalement, pire que la solitude. Mais en vérité, ce qui provoquait tant d'inquiétudes de la part des administrateurs, c'était que ces hommes vietnamiens permettaient à Drevet, comme à Violis, d'échapper au contrôle de la sûreté, et donc de se déplacer librement en Indochine. En AOF, Lucie Cousturier avait des liens familiaux, lui permettant de s'armer contre le contexte colonial avant même d'entreprendre son voyage. C'est ainsi qu'avant son départ, Cousturier écrit plusieurs lettres personnelles au ministre des colonies, Albert Sarraut. S'alignant en apparence avec la mission civilisatrice, Cousturier commente, et je cite, « Je suppose que ces créatures primitives et ignorantes se laissent plus souvent emporter par leur imagination que convaincre par leur raison. Mais elle se sert de cette constatation pour demander une permission spéciale. Je cite à nouveau, « Je serais bien aise que m'on laissait passer, s'il est possible, en dégageant leurs responsabilités et en les persuadant que je ne suis pas une excursionniste mondaine, me donna la liberté d'initiative personnelle. » L'évocation de stéréotypes et d'idées reçues liées à la mission civilisatrice lui permettait d'échapper aux colons français pour fouler d'un pas libre le territoire africain. Une fois leur mobilité physique approuvée, acquise ou résolument défendue, ces femmes avaient en commun leur capacité à isoler et faciliter des zones de contact. Elles cernaient ces espaces avant ou lors de leur déplacement, profitant de leur, et je mettrai le mot entre guillemets, solitude, pour initier des rencontres insolites. En se dégageant des colons et de l'administration, elles brisaient les hiérarchies et les traditions. Détroit, Violis poussa au plus haut degré sa recherche de lieux rarement visités par les métropolitains. Sa mission était celle d'une journaliste accompagnant la mission du ministre des colonies Paul Reynaud. D'après elle, une fois arrivée en Indochine, il l'avait prise de côté en lui disant, et je cite, « Je compte beaucoup sur vous pour me fournir les renseignements qui pourront décider de mes réformes, car je sais trop qu'on essaiera de me cacher bien des choses. » Cet aparté rendait la mission de Violis quasi officielle, et c'est la raison qu'elle donne dans son livre, mais jamais par contre vis-à-vis de la sûreté. Hein, elle ne leur donne jamais à eux cette raison-là. C'est la raison qu'elle donne pour expliquer ses nombreuses conversations avec des nationalistes, qu'elle défend avec passion, car si, et je cite, « en France, ils étaient traités en égaux par des hommes éminents, ici, des fonctionnaires sans éducation ni culture ne font aucune différence entre les anamites de bonne famille, instruits, et les boys qu'il traite Dieu sait comment. Le tutoiement au cœur de cet RSP était un fil conducteur vers une toute autre catégorie de mauvais traitements, les prisons. Lieu d'une torture qu'elle détaille froidement, fils électriques attachés au sexe, viol de jeunes filles, et je cite, introduction de nids de fourmis dans les parties intimes. Sa volonté de connaître ces prisons et de se libérer à plusieurs reprises de la mission officielle permettait ainsi à Violis de créer des zones de contact desquelles ressortaient ces histoires de manque de politesse ou de grossière violence. Le voyage n'était que le début du rôle de ces femmes en tant qu'interprètes culturelles des informations qu'elles accumulaient au contact des colonisés. Elles avaient toutes en tête, par la même occasion, de traduire ce qu'elles avaient vu, une fois de retour pour des publics variés. C'est ainsi que leur mobilité physique était augmentée par le mouvement de leurs pensées à travers l'Empire. Couturier, en rentrant de son voyage en AOF, prépara un rapport officiel destiné au ministre des colonies. En 1924, Couturier écrivit à nouveau au ministre, cette fois-ci pour se plaindre que son rapport n'ait jamais été utilisé. Ce froid subi s'explique. Le 15 mai 1924, la direction des affaires politiques et administratives à Dakar contacte le ministère des colonies à Paris pour condamner en grande partie le rapport de mission de Couturier. Première gêne, et je cite, c'est ainsi tout le problème de la colonisation qu'elle a envisagé. Et son étude lui a suggéré une appréciation générale qui constitue la condamnation la plus sévère de l'effort accompli par la France en AOF. Au lieu de s'en tenir à la question de la femme indigène, Couturier avait préféré traiter, en effet, tout le problème de la colonisation. Le correspondant accepte les opinions de Couturier concernant les femmes indigènes, justement, mais il refuse catégoriquement d'accepter le point de vue de Couturier sur le rôle du blanc dans les colonies. Car ici, malgré ses contacts personnels avec des colons, elle tranchait très nettement en faveur des colonisés en demandant, et je cite, l'application pure et simple du blanc, dont le bilan de faillite vient d'être dressé, et son remplacement d'urgence par des éléments indigènes diversement et spécialement instruits. Pour la discréditer, l'interlocuteur du ministre souligne une phrase tirée du rapport. Je cite, les Noirs, qui sont intelligents, déjoueront à la fin toutes les ruses des exploiteurs par les voies accessibles aux prolétaires de tous les pays. Une phrase peignant Couturier comme étant franchement de gauche, de mon prolétaire évidemment, et en conséquence favorable ni à la mission civilisatrice, ni à la colonisation. Comprenant que le ministre ne réagirait pas officiellement à son rapport, Couturier finit par se lasser d'attendre, et publie deux volumes dans lesquels elle n'hésite pas à dire tout haut sa critique des Blancs et de certains aspects de la colonisation. Violis rencontre une résistance similaire de la part du ministère. Elle attendit 2 ans avant de faire publier SOS Indochine, décidant suite aux troubles de 1933 à Saigon et Hanoï que le ministère des colonies n'avait pas réellement l'intention de réformer l'administration en Indochine. Que son travail ait causé des remous un peu partout dans l'Empire ne fait aucun doute. Mais il aida aussi à la classer comme une spécialiste réputée des troubles coloniaux. Elle revint sur l'impact du livre en 1937, lorsqu'elle était la seule femme à siéger à la commission d'enquête Guernu. Dans 2 lettres personnelles justement à Henri Guernu, Violis commente que, je cite, « Si j'ai des ennemis violents et haineux en Indochine, j'ai également beaucoup d'amis, fonctionnaires, officiers et même colons, sans compter des avocats et des magistrats. Un de ses détracteurs, le père Robert, explique, je cite, « Ces populations sont pour nous occidentaux difficilement pénétrables. Et pour arriver à les connaître, il faut un contact prolongé avec toutes les catégories sociales de ces races. Les journalistes, évidemment, eux, ne font que passer au contraire. » Donc cette notion d'un éphémère qui néanmoins perdurait à travers les écrits de ces femmes, dans l'imaginaire des Français, troublant ainsi la réception métropolitaine de la colonisation, expose l'effet dévastateur des réseaux intellectuels féminins sur la réputation des administrations coloniales et des colons. Mais même si ces femmes semblent se heurter consciemment et sans arrêt à deux catégories présumées fixes dans leurs écrits, le genre et la colonisation, elles ne se défaisaient pas entièrement pour autant de l'apparente stabilité de ces catégories. Ainsi, ni Couturier ni Violis ne préconisaient un démantèlement complet du système colonial. Si Couturier défendait la place des Africains dans l'administration coloniale et que Violis critiquait âprement les déboires de l'administration française, elle ne suggère pas dans ses écrits le renversement complet de la colonisation. Drevet, de ce point de vue, s'est détaché des autres. Dans les Annamites chez eux, elle indique clairement les raisons qui poussaient l'administration française à la surveiller. Elle explique que, je cite, « coloniser n'est pas émanciper ». Ou encore, je cite, « nous demandons que l'on agisse dès maintenant de façon à préparer l'indépendance des colonies ». Drevet est la seule ainsi à se heurter directement à l'administration, même si cette administration tentait de discréditer Couturier et Violis en intimant qu'elles aussi étaient des anticolonialistes, c'est-à-dire anti-françaises et pro-nationalistes dans leurs écrits. Mais même Brevet ne révéla sa politique à l'administration qu'au retour, évidemment, le but officiel de son déplacement étant de, je cite, « prendre contact avec femmes indigènes et étudier leurs aspirations ». Alors, je vais sauter un peu parce qu'en ralentissant, je n'ai plus de temps. Le seul problème étant pour Drevet, comme d'ailleurs pour les autres, que leur féminité était aussi remise en question. Lors d'une excursion aux ruines d'Angkor Wat, plusieurs individus approchent Drevet au Grand Hôtel, l'ayant approché au Grand Hôtel, trouvaient que c'était, je cite, « un homme qui se dissimulerait sous costume féminin », amenant ainsi une directive particulièrement comique de la part de la Sûreté, je cite, « priant surveiller discrètement et déterminer avec toute la discrétion possible sexe et identité de pseudo-dame ». D'un côté, l'utilisation des questions féminines coloniales pour obtenir un accès plus libre à certains établissements de leur déplacement, et de l'autre, une accusation de masculinité excessive dans la tenue et conduite lors de ces mêmes déplacements. En Indochine, Drevet suscitait de plus vives réactions de par son représentation trouble de son genre et de sa race blanche que suite à sa politique. Même Couturier, à un moment, est classé en AOF comme un, je cite, « monsieur, madame ». Donc c'est ce même trouble qu'on retrouve en AOF. En conclusion, donc, une étude de la mobilité des femmes en situation coloniale nous permet ainsi de mieux comprendre ce qui provoquait la circulation d'idées dans les réseaux culturels et intellectuels de l'Empire, espace qui comprend pour moi évidemment la métropole. Le voyage physique était un élément essentiel de ce circuit, invitant une mobilité sociale et culturelle vers des zones de contact dans les colonies, qui renforçaient par la suite le transfert de leurs interprétations de la colonisation à travers des réseaux intellectuels. Le retour permettait aux femmes de formuler des critiques du milieu colonial et ses idées circuler, opérant ainsi mains allers-retours et gagnant leur propre impulsion cinétique. Leur texte révèle finalement que l'apparente régularité des concepts du genre et de la colonisation était disputée, consciemment et inconsciemment, non seulement par ces femmes, mais aussi par les administrateurs et colons qui y réagissaient. Leur migration temporaire, dans ces cas, provoquait des remous en métropole ainsi qu'outre-mer, qui dévoilaient non seulement ce qui était donné pour acquis, la colonisation, le rôle des femmes et la fixité du genre, mais aussi toute la fragilité de ces idées devant la tenace montée du féminisme et du nationalisme dans l'entre-deux-guerres. Merci.